en attendant le top départ. Le marathon hip-hop démarre et les coureurs vêtus de shorts se font rare. Ici le logo de Marc Streetwear en place et l'ossard. Tout comme un pogo, tout se bouscule pour pratiquer notre art. C'est plus qu'un challenge entre novices et professionnels. Je me lance dans la course, je les pousse car en groupe on est. Je côtoie les bons comme les mauvais. La seule chose qui pourrait me sauver, mon hip-hop, mon heure ne se pose avec mon crew quand on vient poser. Je minimise mes défauts dès que je run sur le beat, pas d'ego. Je me dois d'être fort pour mettre une claque aux gars et aux go. Qui sont sur ma piste, les watch les têtes comme des mégots. Je reste méga et endurant comme tous mes gars. Mes babes nègres hopé, on vient donner le change. Physiquement, mentalement préparé, mon flow s'élance. Comme un sprinter voulant établir un nouveau record. Tu es un max de mes acquis pour péter le décor. Hey yo, diva sur le track, je m'attraque sur chaque passe de mic. Je m'arrache grave, mais qui connaît l'issue du match? Hey yo, j'ai poncé mes esquives, profane et l'éthique. Intégré l'élite, capitaine du flow, fait progresser l'équipe. Je suis seul contre toi, voilà ceux qui me leur prouver qu'on est fort, leur prouver qu'ils ont tort. Les vrais savent que l'on est efficace. Les faux bas, c'est pour ça qu'ils se cassent. Je cours le 100 mètres du hip-hop pour être numéro 1 et m'asseoir et avoir de la gloire tous les soirs. Je sais pas comment, n'importe comment, prépare-toi au débarquement. Run. Ma clique est prête pour la compète, cette frame si toujours d'attaque. Oups, bad data. Ton son est dopé à le PO, le mien est topé. Impossible de le stopper, il monte haut. Je milite pour mon hip-hop et donc mes statistiques. Garde l'esprit d'équipe, j'irai même coller dans les statnostics. Je fais le diagnostic, classique du rap de ce type. Mais c'est trop mystique dans ses lyrics, ce mec se tape et sneak. C'est trop ouf, je t'apporte une bouffée d'oxygène. À bout de souffle, des oreilles souffle, je du hip-hop et tout ce que j'aime. Tu le trouveras dans les sons de mon album. Tu nous as placé outsider, on se retrouve sur le podium. Je reste seul face à l'adversité, mais je sais qu'ils veulent de la diversité. Comment briller quand on sait qu'on est le meilleur, mais que le jeu que l'on joue n'est pas le meilleur. Tu veux savoir qu'à raviver la flamme, c'est qu'après 10 années les femmes ne sont pas toutes des femmes, c'est mathématique. Chaque MC qui perce m'enlève une place. Et si je me donne avec l'âge, faut qu'on me réserve une place. Je me dis que parfois c'est tenter le diable d'être outsider à 7. Mais rien ne sert de courir vite pour remporter le dernier set. On n'est pas le meilleur quand on le dit, mais quand on le sait. Moi j'ai fait mes classes dans l'ombre, mais sais-tu comment c'est? Run. Vers les formes, les faits le fond du faux émerge de la foule, vomit de la masse, on fait des freins du feu. Du petit bois, on pratique le fond et là ça ne sert pas. Les parasites anonymes s'affranchissent dès le premier pas. Posé sur la piste, rayé comme un vinyle marron. Ouais, prêt à prendre du service, prendre le relais. Et peu importe que la flamme puisse s'éteindre, que nos corps se forment, tant que l'esprit demeure le même, on ira se rendre. Du côté de la sincérité et du respect, du côté de la source de notre créativité. Les cerveaux manquent de muscles, les morts nous traitent de russes. Mais le OB vient ranimer les corps figés. On manque d'air et d'inspiration sur le couple, et donc couple que je regagne mon souffle. Pas à l'abri des ondes qui sur les ondes palabres, qui nous marchent en l'air force et rendent cette course macabre. Car ici tous se macabre, l'ombre se bouffe comme à table. Contre j'étouffe, mais restable, on n'est pas tous au même stade. Une entente dans le hip-hop, du boycotté. Le rap, il n'est pas mort, il est juste victime d'un bon côté. Il chante pour le ranimer, ou taille est là pour raviver la flamme. Sans qu'elle s'éteigne, hey, hey, hey. Faut sauter les barrières et faire taire les langues de poule. Carte, on est plus que quatre, on débarque. Bonne. Dis quelques rimes à combler et quand je prends le mic, c'est que la terre se met à trembler, tu cries. Alléluia, c'est le Sunda Faya qui s'en bat les couilles, tu ramasses pas les douilles. Run. Running, running, running, running, burning. Burning. Burning for hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop.